répète un peu ce que tu viens de dire en essayant d'utiliser des mots. Je ne connais pas ce dialecte, il me fait rire. Tu peux apprendre le français, il n'est jamais trop tôt. Tu es heureux dans cette vie? Ne sens-tu pas que tu aurais pu exister si tu avais fait un autre choix que celui-ci? Peut-être aurais-tu eu une âme de vrais amis. Économiste des unités transgestionnelles, actionnaire des âmes et des peines, manipulateur des générations, population, consommation par millions de trucs à la con. Et vous êtes nombreux dans ce cas-là. Quand il part de la bourse aux infos, c'est pour toi. Et ton métier consiste en quoi? Tu construis quoi? De l'argent de tes doigts? Et c'est jouissif, non? Ces sommes gigantesques. Continue, petit soldat, et tu seras rentier. Tu pourras te foutre des salariés grotesques. Ne plus rien faire de tes journées. Économiste des unités transgestionnelles, actionneur des âmes et des peines, manipulateur des générations, population, consommation par millions de trucs à la con. Tu t'en fous de la misère d'à côté. Pour toi la vie est un produit, pourvu que ton marché ne s'arrête pas de tourner. Et le social est le cadet de tes soucis. Tu pourras remercier ton papa en passant. Sans son compte en banque peut-être que tu aurais pu vivre là. Une vie ordinaire tu aurais pu connaître. Économiste des unités transgestionnelles, actionnaire des âmes et des peines, manipulateur de génération, population, consommation par millions de trucs à la con. Économiste des unités transgestionnelles, actionnaire des âmes et des peines, manipulateur de génération, population, consommation par millions de trucs à la con.